En vient. Chez Dolbeau Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière. Notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbeau Oxygène, 303 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0555, 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler de chasse avec notre ami Mathieu Roy. Salut Mathieu! La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428 8e Avenue Dolbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. On va parler de chasse avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour! Claude, cette semaine, qu'est-ce qu'on parle de la chronique de chasse? Ben écoute, on va parler des déplacements. On a commencé à en parler un peu la semaine passée. Et là, il va falloir faire vraiment, vraiment attention parce que notre chevreuil va prendre position dans ces endroits où il a commencé à aller se nourrir et qui a développé des habitudes, justement, au niveau de l'emplacement de sa nourriture. Mais il faut toujours, quand on y va, apporter, il se vend dans les magasins de chasse et pêche, une genre de petite poire qui dégage une genre de fumée pour être capable de voir, quand on y va, sur notre emplacement de chasse, voir le déplacement des odeurs. C'est-à-dire qu'on fait un genre de petit push dans les airs, et ça va nous donner la direction de notre vent. Et je conseille toujours aux chasseurs de se préparer trois endroits différents et non pas simplement une. Parce que si vous arrivez le matin puis vous avez un vent qui s'en va vers l'appât, c'est sûr que le chevreuil ne viendra pas parce qu'il va vous sentir. Donc, il faut toujours avoir des plans de relève. Quand on arrive sur notre endroit de chasse le matin et qu'on a notre petite poire à vent pour voir de quel côté s'en va le vent, ben s'il n'est pas dans la bonne position, ça nous prend un deuxième spot pour être capable de contrer l'effet de la senteur parce que notre chevreuil va être capable de nous sentir. Un produit qui va marcher dans ce temps-ci, qui va être un peu plus important, c'est bien sûr de mettre du soufre. Donc, okay. On a mis plein de produits pendant l'été. On a peut-être apporté, on a fait nos salines avec notre sel, etc. Mais là, ce temps-ci, on va mettre du soufre. Le soufre, le chevreuil, puis on va le mélanger à la terre. Donc, le chevreuil va gratter pour aller manger ça. Et l'orignal va faire exactement la même affaire. Donc, on est rendu dans une période où ils vont chercher ça. Il y a bien sûr des sirops de pommes qu'on va pouvoir mettre sur des souches qui vont venir licher abondamment. Mais rappelez-vous tout le temps que quand on se déplace en forêt, faut pas laisser de traces d'odeur. Donc, les mêmes vêtements qu'on va utiliser, les mêmes bottes qu'on va utiliser, on s'organise pour camoufler le plus d'odeur possible, de pas faire de traînée d'odeur quand on va se rendre à notre endroit. Et bien sûr, de se camoufler nous-mêmes le plus possible au niveau des odeurs. Donc, moi, ce que je me sers régulièrement, c'est ce qu'on appelle odeur de terre, donc earth scent. Vous avez ça dans toutes les bonnes boutiques de chasse et pêche. Et ça sent la terre et non pas la moufette et l'ornard, parce que les gens ont tendance à mettre trop d'odeur d'ornard et de moufette pour cacher leur odeur. Puis finalement, la meilleure odeur qu'il n'y a pas, c'est l'odeur de terre. C'est vraiment là-dedans que le chevreuil pioche. Donc, c'est important de prendre des bonnes précautions pour ça. Puis les gros bocs, rappelez-vous que les gros bocs sont jamais à découvert. Si vous faites votre spot dans un endroit très, très, très découvert, le gros boc s'en approchera pas avant la nuit. Ils sont méfiants. Ils sont pas des gros bocs pour rien. Donc, si vous essayez de faire ça à découvert pour avoir une belle shot pour vous, vous allez être chanceux si vous avez un gros boc qui vient dans votre coin. Donc, ça va être des petits spikes, ça va être des femelles, ça va être des veaux. Mais le gros boc va venir très, très tard. Donc, le vent, les odeurs et se préparer deux, trois endroits pour être capable de contrer le vent. Ça, c'est les trucs que je vous donnerai pour aujourd'hui. Effectivement. Claude, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Notre ami Claude Roy.